c'est 25G, Saef, Farage, pour la compile CDU, pour les Gabalos, les Gavalus. Enquête super. On sent pas les couilles, mais chante pas les trous, mais sent pas, on ouf, tu sens pas, on touffe, mais joue pas le ouf, saute terre, on dissère, au riz noir, donc la hier, faut qu'ils servent, tu as riz noir, pour les queers, pour les serbes, les canaux, les rinois, t'es jaloux, tu reflètes ma réussite, tu me crains d'eau, mais t'inquiète, je ressuscite, mets ma bite dans ta raie osseuse, mais félin, on dégriffe et te crève les yeux, vous voulez qu'on vous baisse, cagoulé dans les dièses, le boulet dans les braises, ça pique grave les bons becs dans les afters, des bélecs, y'a les steaks et les cafleurs, faut les yeux, faire des gosses pour que la caf pleure, c'est foulet, pose nos voix sur des sampleurs, tape des roues, mets ton ouf, cache ta stouffe dans tes roues, baisse des poufs, je serai bout, si tu butes, je reste debout. Nikov, 25 GZF, combinaison dangereuse, on trafique l'EDF. Gangster, une voix, dévaliseur de convoi, combinaison dangereuse, on trafique les turvois. Putain, ça devient grave dans nos checkers. Y'a moins de naissance que de cadavres. J'traîne qu'avec des braves. Et dans nos caves, on traîne les boucaves. J'me sens sale de péché à force de prêcher. Et de savater les MC qui nous gavent. J'm'en bats les couilles de ta fait pour un CDI. Nouvelle tendance, okay. Combinaison dangereuse indépendante. Qui ose nous dire que les athées sont des perdants. Que tu viens de la galère, prends pas d'argent. On laisse des grosses fractures pour vos oreilles fils. En cas de chrome on prend plus d'intérêt qu'à Confidis. C'est pour mes têtes de fartas qui ramassent le blé. Mes zèques de cartas comme Wahid de Rassé Jbel. Mes têtes de fartas qui te niquent le coccyx. Une bande de rapaces qui piquent le grossis. Farage, Nikov, 25 GZ.